Et on parle avec Raymond Poirier de Technologie d'information, puisqu'il est chargé de communication à Létis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et là, tu me fais plaisir, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de réseaux sociaux. On va parler entre autres de Twitter aujourd'hui. Exactement, explorer un peu les modes de conversation qu'on retrouve sur Twitter. C'est en lien avec une étude sur laquelle je suis tombé récemment du Pew Research Center, qui sont intéressés à voir un peu de quelle manière le dialogue, l'échange se place sur Twitter, et ils ont remarqué qu'il y avait essentiellement 6 structures de communication qui étaient marquées, qui étaient remarquables aussi. Et notamment, ce qui ressortait beaucoup, c'était que plus le sujet était politique, bien, plus la discussion allait être vaste, large et polarisée également. Donc, ils disaient par exemple que c'était assez fréquent sur Twitter de voir deux groupes assez polarisés en termes d'opinion se former, que chacun des deux groupes avait un point distinct de discussion qui était assez distinct, qu'il n'y avait pas nécessairement d'interaction non plus entre les deux groupes, essentiellement. Donc, il y avait des participants d'un côté qui partageaient les mêmes sites, qui partageaient les mêmes nouvelles, qui partageaient une même opinion sur les actualités, puis qui s'échangeaient des liens, et que la partie adverse faisait la même chose dans sa bulle, et qu'il n'y avait pas nécessairement de contact entre les personnes qui étaient présentes là, entre ces deux bulles-là, finalement. C'est quand même assez intéressant, évidemment. C'est parce qu'on parle souvent, quand on pense aux médias sociaux, on dit, j'ai l'impression de parler avec des convaincus, avec des gens qui ont un peu toute la même opinion que moi. Ouais. Ben, souvent, c'est qu'on va aussi, dans le fond, partager peut-être un peu plus, avoir le réflexe de partager un peu plus ou plus facilement avec les gens qui sont justement de cette même opinion-là. Évidemment, en fait, quand on parle de Twitter, il faut garder en tête que comparativement peut-être à d'autres médias sociaux, les gens qui sont sur Twitter habituellement, ou du moins qui sont actifs sur Twitter, disons-le comme ça, de manière générale, selon le Pew Research Center, ben ils portent attention peut-être un peu plus suivi aux enjeux sociaux, aux enjeux politiques, aux actualités. Et donc, d'une certaine façon, les conversations de ces groupes-là, qui plus est de ces groupes qui sont à l'intérieur de ces ensembles d'opinions très polarisés, sont pas nécessairement de A, représentatifs de l'ensemble de Twitter, et de B, représentatifs de l'ensemble de la population non plus. Quand on pense en fait aux usagers sur Twitter, on parle d'à peu près quoi, 18% des personnes qui sont sur le web qui sont sur Twitter, 14% de la population adulte au sens large. Donc, c'est quand même un échantillon relativement restreint. Et surtout qu'on suit des gens et les gens nous suivent. Donc, nécessairement, si on regarde mon profil Twitter, je vais suivre beaucoup de gens de la musique et de la culture, et beaucoup de gens de la musique et de la culture vont me suivre. Alors que sur Facebook, des amis du primaire ou du secondaire ont peut-être pas les mêmes intérêts que moi. Donc, nécessairement, ça crée des discussions qui sont peut-être un peu plus linéaires ou du moins dans le même sens. Mais en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est d'un côté, effectivement, des éléments, des conversations quand même assez linéaires. De B, avec l'utilisation des hashtags ou à travers le partage de sujets, on peut élargir justement les foules au-delà des gens qui se suivent entre eux, plus aller vraiment avec les gens qui participent à un débat plus général. Et parallèlement, on remarque aussi que dans certains cas, il y a des gens qui se retrouvent un peu au cœur de certains réseaux et qui c'est eux, dans le fond, qui vont se regrouper ces groupes-là, ces foules-là, ces ensembles-là. Et donc, je te parlais tout à l'heure, en fait, je disais, ils en ont sorti 6 archétypes. Le premier dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ce qu'ils appellent, eux, les foules polarisées. Donc, je rappelle, des discussions générales très polarisées, des ensembles qui discutent, qui partagent entre eux. Autre groupe qu'on pourrait mettre de l'avant, il y a les foules ou les groupes plus tissés serrés, si on peut dire. Donc, l'idée, c'est que là, on est dans des discussions qui sont caractérisées par des gens qui sont déjà très connectés, donc qui sont déjà présents ensemble dans d'autres champs, dans d'autres types d'échanges. Donc, on parle peut-être lors d'événements, des conférences, des colloques, dans des sujets professionnels, dans des groupes de hobbies. Donc, l'idée, c'est, dans le fond, des communautés qui sont déjà formées, des existantes. Exemple, ben on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir, par exemple, des gens qui échangeraient sur la radio communautaire, qui sont des acteurs du milieu de la radio communautaire au Québec. Donc ça serait une foule peut-être un peu plus tissée serrée. Autre exemple qui ont ressorti, c'est ce qu'appellent eux en anglais, il faut juste une étude américaine, c'est les brand clusters, donc les ensembles qui sont liés à des marques de commerce, à des labels. Donc l'idée, par exemple, quand on parle de célébrités, quand on parle de produits, de services, de compagnies qui sont reconnues, donc des gens qui vont réunir autour d'eux des personnes qui vont être intéressées à suivre ces gens-là, à interagir avec ces gens-là. Évidemment, encore là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, donc l'idée d'une conversation linéaire, dans la mesure où ces gens-là sont déconnectés les uns des autres. Essentiellement, ce qui les unit, c'est simplement leur volonté de converser avec un tiers, de converser avec ce label-là, de converser avec cette personne reconnue-là. Et donc, éventuellement, la personne qui est reconnue va peut-être partager un tweet d'une des personnes qui la sollicite, va peut-être y répondre. Et là, cette réponse-là, un peu comme la question, ben, elle se retrouve quand même dans la sphère publique également. Donc, ça, c'est vraiment quand on y va avec une ligne précise. Et évidemment, si on explore un peu plus large, il en ressort un autre qui s'appelle les ensembles communautaires, si on peut dire. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est plutôt à l'inverse. Donc, l'idée, c'est qu'on est unis par un sujet, mais pas nécessairement par une conversation unique. Donc, à l'intérieur d'un groupe, il peut y avoir un ensemble de sous-groupes qui vont démarrer, comme par exemple, il y a un sujet qui est lancé par un intervenant A, qui est récupéré par un intervenant B autour d'une opinion, par un intervenant C autour d'un deuxième sujet. Et bien là, subitement, on se retrouve avec deux groupes qui discutent des deux enjeux qui sont sortis de la première conversation, qui, eux, amènent d'autres micros enjeux. Et donc, on se retrouve avec un ensemble de discussions plutôt qu'avec une discussion qui prendrait l'ensemble de la place. OK. Donc, évidemment, à ça, donc on en trouve deux autres. L'idée, par exemple, des gens qui suivent et qui interagissent avec des sites de nouvelles, par exemple, des sites d'actualité. Oui. Donc, eux appellent ça des broadcast networks. Donc, l'idée, c'est évidemment pas nécessairement simplement de réagir à une nouvelle, mais aussi de la partager. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que, de manière générale, quand on parle d'actualité dans un contexte d'interaction avec, par exemple, Radio-Canada, la presse, CKRL et d'autres, eh bien, on va simplement répéter ce que la source d'information a déjà tweeté. Donc, ça va être des retweets, ça va être des retweets avec commentaires, etc., etc. On n'amènera rien de nouveau. On n'amènera rien de nouveau et on ne cherchera pas nécessairement non plus une conversation avec d'autres personnes qui partagent cette nouvelle-là. C'est un peu plutôt l'idée qu'on voit une actualité qui nous semble intéressante et qu'on la partage avec notre groupe de conversation, avec les gens justement qui nous suivent, simplement donc pour partager, pour donner une couleur, pour partager une opinion. Parce qu'on a l'impression aussi que ça va plaire à ceux qui nous suivent. Exactement. Exactement. Pour montrer que nous, la nouvelle nous a plu. Et parallèlement à ça, il y a une situation inverse que eux ont appelé les support networks, donc les réseaux de soutien. Donc l'idée que on va peut-être solliciter une entreprise, on va solliciter peut-être un service, une organisation pour se plaindre, pour critiquer un service, pour critiquer un produit. Et dans des situations comme ça, on sera pas nécessairement les seuls à le faire en même temps. Hein, la Terre est quand même assez grande, les médias sociaux le sont également. Donc, ce qui peut se passer dans une situation comme ça, c'est que plutôt que de répondre trois fois la même chose à trois usagers, ben, on va faire une réponse destinée aux trois usagers. Donc, on se retrouve dans un contexte inverse peut-être du label dont on avait parlé tout à l'heure, dans la mesure où, donc, quand on s'adresse à une marque, on peut simplement être un ensemble de gens qui s'adressent à une personne, mais dans une situation où il y a une gestion de crise peut-être à faire, ben, la marque, elle, peut faire le choix de s'adresser à un ensemble de personnes également, même si ces personnes-là, au départ, n'étaient pas nécessairement liées dans la conversation qui tentait d'initier. Oui. Est-ce que ça, c'était le sixième? Oui, exactement. Voilà. Exactement. Et tout ça avec l'idée qu'il y a une utilité, évidemment, à essayer pour essayer de comprendre un peu la dynamique des conversations sur Twitter et même dans ce cas-ci, dans le cas de cette étude-là, de la cartographie. Parce que ça devient intéressant dans la mesure où on peut voir un peu la dynamique qu'il y a à l'intérieur d'un réseau, voir de quelle manière le réseau va se complémenter, va s'implanter, va échanger, et voir les gens qui se retrouvent au cœur également de ces réseaux-là. Donc, essayer de voir un peu le rôle de chacun. Et dans un contexte où on va chercher, par exemple, à influencer, à passer une information, à rejoindre un groupe de gens, ben, peut-être que c'est plus rentable d'aller chercher et d'aller rejoindre des gens qui sont au centre de ces réseaux-là, plutôt que d'essayer de rejoindre des gens que eux rejoignent déjà. Ouais. Donc, ça permet d'avoir des interventions peut-être un peu plus ciblées, de dire, ben, OK, si je sollicite un tel, si je sollicite un tel autre, eh bien, là, je vais peut-être réussir à rejoindre, dans le fond, les gens que je cherche à rejoindre, parce que c'est les intervenants qui sont au cœur de leur réseau et qui, dans une certaine mesure, deviennent eux-mêmes un cercle d'influence et donc un générateur de conversation, un générateur d'échange, un générateur de mode d'échange également. Mais est-ce que ce sont des influenceurs? Est-ce que c'est eux? Oui, ce serait ce qu'on appelle les influenceurs, qui amènent des sujets à un groupe de gens Et parallèlement, il y en a d'autres aussi dans la mesure où tu disais tout à l'heure, donc l'idée de partager, par exemple, des informations sur ton réseau à des éléments que tu penses qui pourraient les intéresser. Mais ça, c'est des gens aussi qui sont importants à cibler parce que eux font des ponts entre différentes communautés d'intérêt, entre différents influenceurs finalement. Donc peuvent aussi amener l'information à circuler de l'un à l'autre ou dans des groupes qui sont parfois parfaitement étrangers les uns aux autres. Donc ça, c'est un autre type de personne où on dit dans l'étude du Pew Research Center, ben faut les surveiller, faut essayer d'identifier. Donc d'un côté les influenceurs et de l'autre côté les ponts entre les différentes communautés. Et là, Raymond, je ne sais pas si on en parlait dans l'étude, mais j'imagine qu'il faut faire attention entre quelqu'un qui est un véritable influenceur dans son réseau et quelqu'un qui a tout simplement beaucoup d'abonnés et qui est une vedette, par exemple, en raison de la télé ou parce que c'est un chanteur ou une chanteuse. Cette personne-là va peut-être influencer, oui, mais ce n'est pas, à proprement parler, un influenceur. Est-ce que ça se peut? Exactement, ça revient. Enfin, on en avait parlé, je pense, il y a quelques semaines avec Francine Charest de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques qui disait, ben, il y a aussi une notion de qualité qu'il faut prendre en compte. Donc, ouais. Oui, la quantité, ça peut être intéressant de rejoindre beaucoup de gens, mais si le beaucoup de gens qu'on rejoint n'est pas intéressé par ce qu'on a proposé, ben, peut-être qu'on a mal ciblé nos influenceurs, tout simplement, ou peut-être qu'on a mal ciblé le type d'influenceur qu'on cherchait à aller rejoindre. Dans le cas d'une célébrité, donc, peut-être que c'est pas le type de conversation qui est nécessaire pour bien diffuser ce qu'on cherche à proposer. Donc, effectivement, il y a une notion de qualité versus quantité qui est à garder en tête. Évidemment. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on retrouve un résumé de cette étude sur le site de l'ITIS ou l'étude En fait, on peut la trouver directement sur le site du Pew Research Center. Donc, c'est sorti en fin février de cette année. Donc, à voir, à découvrir. Évidemment, on peut découvrir d'autres éléments, d'autres informations en lien avec des thématiques comme ça sur le site de l'ITIS, itis.udaval.ca. Et on retrouve aussi nos chroniques à tous les lundis qu'on fait ici à CKRL. Merci beaucoup, Raymond. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, Raymond Poirier, à qui on vient de parler, qui est chargé de communication à l'ITIS, à l'Université Laval.